au dehors, tout autour du grand antre muet, hurlait le brouhaha de la foule indignée. Comme un essaim bourdonne autour d'une araignée, comme une ruche autour d'un ours pris au lacet, toute la légion des chasseurs frémissait. Elle s'était rangée en ordre de bataille. On savait que le monstre était de haute taille, qu'il mangeait un héros comme un singe une noix, qu'il était plus hautain qu'un tigre n'est sournois, que son regard faisait baisser les yeux à l'aigle. Aussi, lui faisait-on l'honneur d'un siège en règle. La troupe, à coups de hache, abattait les fourrés. Les soldats avançaient, l'un sur l'autre serrés, et les arbres tendaient sur la corde les flèches. On fit silence, afin que sur les feuilles sèches, on entendît les pas du lion, s'il venait. Et les chiens, qui selon le moment où l'on est, savent se taire, allaient devant eux, gueule ouverte, mais sans bruit. Les flambeaux, dans la bruyère verte, rôdaient, et leur lumière, allongée en avant, éclairait ce chaos d'arbres tremblant au vent. C'est ainsi qu'une chasse habile se gouverne. On voyait à travers les branches la caverne, sorte de masse informe, au fond du bois épais, béante, mais muette, ayant un air de paix et de rêve, et semblant ignorer cette armée. D'un âtre où le feu couve, il sort de la fumée. D'une ville assiégée, on entend le beffroi. Ici, rien de pareil. Avec un vague effroi, tous observaient, le poing sur l'arc ou sur la pique, cette tranquillité sombre de l'antre épique. Les dogues chuchotaient entre eux, je ne sais quoi. De l'horreur qui dans l'ombre obscure se tient quoi, c'est plus inquiétant qu'un fracas de tempête. Cependant, on était venu pour cette bête. On avançait, les yeux fixés sur la forêt, et non sans redouter ce que l'on désirait. Les éclaireurs guettaient, élevant leurs lanternes. On regardait le seuil béant de la caverne. Les arbres frissonnaient, silencieux témoins. On marchait en bon ordre. On était 1000 au moins. Tout à coup, apparut la face formidable.